fais au monde avec un sac et un jean, mais une bombe en secret dans la poitrine, et je retombe à terre en morceaux cherchant mes racines, en recherchant mes racines, car je les sens abolir trop de hasard, comme si mon sang y bouillait d'un feu barbare. Je reprends la route en dansant, je sors de ce bar. Oui, je sors de ce bar. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi. Dans ces funèbres. Pénètre que cette torche-là. C'est une nuit interminable et glacée sur un pays où mon père m'a répété: tu es béni par les dieux, crois-moi, fils, d'y être né. Oui, béni d'y être né. Mais ballotté comme un chien de boîte en boîte, pour l'honorer, ce pays s'il faut se battre, j'irai marcher tant qu'il en restera un qu'on exploite, juste un de nous qu'on exploite. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi. L'admettre parfois, il ne pénètre que cette torche-là. J'ai retiré la vieille écharpe de crête. Baiser bien plus sacré pour ma peine, bien plus sacré pour ma peine. Et je les sens me brûler à chaque pas. J'entre à présent dans un temple où tu n'es pas, mais je m'avance vers l'autel car je sais que tu viendras. Et je me tiens fier et droit. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi. Dans cet algèbre sans loi, où l'amour est maître et roi, il ne pénètre que cette torche-là. Dans les ténèbres, avec les torches de la foi.